Bismillahirrahmanirrahim. Donc de ce jour, on rentre dans un troisième chapitre de ce livre qui est Fasl fi al-manahi al-lafdhiyya al-walida fi al-tasmiyah, qui sont l'interdiction des nominations, c'est-à-dire les prénoms interdits et autres, ce qui y ressemble. Comment nommer les choses, comment nommer les gens. Et il y a beaucoup de questions qui s'y répètent. Donc nous, on va se contenter de ne citer la chose qu'une seule fois. Biznillah. Là, par exemple, les trois premières questions sont les mêmes. Donc on passe directement à la troisième d'entre elles, qui est As-Su'al al-Wahid al-Khamsoun. 51e question. Su'ila al-Shaykh rahimahu ta'ala ma ray fadilatikum fi tasammi bi iman. Donc il a dit, il est interrogé, quel est votre avis quant au fait de se nommer iman? Iman, ça veut dire foi en arabe. Fa ajaba rahimahu ta'ala ismu iman yahmilu naw'an min at-tazkiyah wa li hadha la yanbaghi at-tasmiyah bih. لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة لكونه دالا على التزكية والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بها. Donc il dit, le prénom Iman, c'est un prénom qui renferme une forme de tazkiya, c'est-à-dire comme une forme de recommandation, d'éloge pour la personne. Donc c'est pour cela qu'il ne convient pas de se nommer de la sorte. Car le Nabi, alayhi salatu wa salam, a changé le nom de Barra, une sahabie qui s'appelait Barra, dans le sens de piété, d'obéissante, de pieuse, du fait qu'il indiquait une tazkiya pour la personne. Et les gens concernés par ce discours sont les parents qui nomment leurs enfants par de tels prénoms, qui enferme une tazkiya, qu'il ne faut pas le faire. Amma ma kana 'alaman mujarradan la yufhamu minhu at-tazkiyatu fa hadha la basa bihi wa li hadha tusamma bi Salih wa Ali wa ma ashbahahuma min al-a'lam al-mujarrada allati la tuhmil ma'na tazkiya aw tahmil ma'na tazkiya. Donc il a dit, quant au nom propre simple dont on ne comprend pas une recommandation, un éloge ou ce genre de choses, alors pas de mal de se nommer avec. Et également, il faut que ce soit des noms qui n'aient pas un sens mauvais, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit un sens mauvais. Et il dit, par exemple, comme se nommer Saleh, ou Ali, ou ce qui ressemble, parmi ces noms propres, neutres, qui ne comprennent pas de ce qu'il y a. Non. Quant à Saleh, en fait, c'est un nom qui renferme une tazkiya. Cependant, des hadiths montrent qu'il a été permis, parce que Salih, Cheikh Al-Sami lui-même dit, Arajul Salih manhu wa allazi yuaddi haqq Allah wa haqq al-ibad. Salih, ça veut dire quoi? Salih, à la base, qu'on nous traduit par pieux, c'est celui qui rend le droit d'Allah et qui rend le droit des créatures. Donc c'est une forme de tazkiya. Mais par exemple, on a le prophète Salih qui s'appelait Salih, et les plus beaux des prénoms sont les prénoms de Ta'bid, comme Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, et également les prénoms des prophètes. Donc de là, on peut se nommer de la sorte. Sans quoi, sans l'air, il y a une forme de ce qu'il y a dedans. Mais on a des preuves qui montrent que cela reste permis. Ensuite, Fiswal al-Khamis wa Khamsin, parce qu'après, il y a plein de questions pareilles pour se nommer Bayan, ou des noms du Coran, ou des noms des anges, et ça on va revenir, je vais le citer à la fin, inchallah, le ta'liq par rapport au nom des anges. Awalan nakhuz as-su'al al-khamsin, 55e question. 55e question. Su'ila al-shaykh rahimahu ta'ala yakrahu ba'd an-nas ism Ali wal-Husayn wa nahwihima وينفروا منهما وذلك لتعظيم الرافضة لتلك الأسماء فما جوابكم حفظكم الله. Donc il a dit, certaines personnes se sont mis à détester les prénoms comme Ali et Al-Hussein et autres, et fuient ces prénoms là à cause de l'amour des Rafida pour ce prénom-là. Donc quelle est votre réponse? Car les Rafida, comme vous le savez, sont des gens qui ont de l'exagération dans les gens de la maison prophétique, et principalement Ali et Al-Hussein et Al-Hassan et Fatima et les Alika. Donc des gens, du fait que cette secte immonde ont se mettre à vénérer ces prénoms-là, des gens les ont délaissés à cause de cela. فأجاب رحمه الله تعالى جوابي على هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة فإن كان طائفة من أهل البدع يغلون في مثل هذه الأسماء ويتبركون بها فلا يجوز أن نقابلهم ببدعة فننفر من هذه الأسماء وننكرها أو نكرهها. Donc il a dit, ma réponse est que on ne fait pas face à une bid'a par une autre bid'a. Par exemple, si un groupe parmi les gens de la bid'a exagère dans ces noms-là et qui cherche la baraka par ces prénoms-là, eh ben nous, il ne nous est pas permis justement de repousser cela par notre bid'a en fuyant de ce prénom-là et de le détester. Car ce sont des noms légiférés et ce sont des noms parmi les awliyas d'Allah. Pour de vrai. بل نقول إن الأسماء لا تغير شيئا عما كان عليه الإنسان فكم من إنسان يسمى باسم طيب وحسن وهو أعني المسمى به من أسوأ الناس وكم من إنسان يسمى عبد الله وهو أشد الناس استكبارا وكم من إنسان يسمى محمدا وهو من أعظم الناس ذما وكم من إنسان يسمى عليا وهو نازل سافل. Donc il a dit, les prénoms ne changent rien en la nature de la personne. Par exemple, combien de personnes se nomment Tayyib? Tayyib, ça veut dire bien. Et Hassan également. Alors qu'il est parmi les pires des gens. Plus mauvais des gens. Ou d'autres qui se nomment Abdallah. Qui veut dire serviteur d'Allah. Et qui sont les gens les plus orgueilleux. Car le serviteur d'Allah, à la base, c'est quelqu'un de humble. Et combien se nomment Mohammed? Et Mohammed, en arabe, ça veut dire le très loué. Le très loué, alors que ce sont des gens qui méritent beaucoup de reproches. Ils s'appellent Mohammed. Ou d'autres s'appellent Ali. Ali, ça veut dire très haut, à la base. Pas le plus haut, mais très haut. Et alors que c'est parmi les personnes les plus viles et les plus avilies, les plus basses. فالمهم أن الاسم لا يغير شيئا ولكن لا شك أن تحسين الاسم من الأمور المطلوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. Donc il a dit, donc le prénom ne change rien sur la nature de la personne, ça n'indique rien quand on dit ça. Dans le sens où un prénom ne dit pas qui tu es en réalité. Tu peux avoir un beau prénom et une mauvaise personne, c'est ça que le chien veut dire. Mais il est recommandé de donner des beaux prénoms aux personnes, car cela peut avoir une influence sur la personne. Tout comme il faut éviter les mauvais prénoms, car cela également peut avoir une mauvaise influence sur la personne par la suite. Donc, donner des beaux prénoms, c'est une chose qui est demandée en religion. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les beaux prénoms auprès d'Allah sont Abdallah et Abdurrahman, ce qui englobe tous les noms en ta'bil qui commencent par Abd avec l'un des noms d'Allah par la suite. Et les plus véridiques sont le prénom Harith et Hammam. Naam. Donc, هذا الذي أخذنا اليوم, le tambi par rapport au nom sur les anges, on le citera dans le prochain audio, بإذن الله تعالى. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.